Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Hello, hello, la planète RPL, bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL, en écoutant radio numérique sur le traditionnel 99FM ou encore directement sur le site de la radio, l'adresse est le www.rpl.radio. Merci à Tonton J, son émission Back to the House, il sera au rendez-vous samedi prochain dès 6h. C'est Kimbo pour vous accompagner jusqu'à 9h. Nous sommes partis pour 2h de musique électronique. Dans la première heure, je vais vous emmener dans le côté obscur de la musique. Et dans la deuxième heure, sera plutôt une ambiance tech house assez dansante. Donc si t'es au boulot, bah, je te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. C'est la base, mec. Jack. RDL Radio. samedi matin. We'll be right back. FM sur les ondes d'RTL. Thank you. tous les replays sur le www.fréquenceclub.com. RDL Radio. Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. La première heure de Fréquence Club s'achève. J'espère que le mix atmosphérique vous a plu. Vous retrouverez le podcast sur le site de la radio et sur le site de Fréquence Club. Restez calés, on va enchaîner avec une deuxième heure. Tech House.